France Inter, le 13-14. C'est l'heure du vif de l'histoire, notre aller-retour quotidien entre hier et aujourd'hui dans le 13-14. Et tout inspire le chroniqueur d'histoire pourvu qu'il soit curieux. Bonjour Jean Lebrun. Bonjour Bruno. Puisque les contraintes sanitaires vont mettre le ski de fond à l'honneur cette année, à Noël, alors allons-y pour le ski de fond. Au fond, c'est un retour aux origines. Il faut remonter sa pente, c'est ce que disait toujours André Gide. Il ne faut pas descendre. Yves Balut parle d'une origine du ski autour de 2500 ou 3000 ans avant notre ère. Et il aime citer les gravures rupestres de Rodøyst en Norvège, qui datent de l'âge de bronze. À dire le vrai, quand on les regarde, on ne sait pas trop si les hommes qui s'y représentent se tiennent sur un bateau ou peut-être sur une seule planche, alors ce serait l'ancêtre du snowboard. Ce qui est sûr, c'est que nombre d'objets étranges au premier abord et retrouvés dans les tourbières scandinaves sont bien déjà des skis susceptibles d'être datés de la même époque. Et ce qui est troublant, c'est que ces découvertes se sont multipliées au moment même où le ski trouvait sa dimension sportive, soit dans les premières années du XXe siècle. Il arrive qu'on trouve ce qu'on cherche. Et si on fait une carte des premières stations telles qu'elles étaient déjà établies avant la Première Guerre, on les trouve réparties dans tous les massifs, les Alpes au sens large, massif central, Vosges jusqu'à l'Atlas algérien, mais le pôle scandinave est essentiel. Oui, parce que le ski en Scandinavie, c'est d'abord un ski utile, avec comme premiers pratiquants les paysans, mais aussi les militaires, Bruno. Tenez, voici le récit de l'origine guerrière de la Vasaloppette. C'est une grande course de ski de fond de 90 km qui regroupe quelques 15 000 participants au mois de mars. Sachez qu'à la Noël 1522, Gustave Vasa, qui jugeait intolérable l'occupation de son pays par le Danemark, organisa un soulèvement. Mais faute d'avoir réuni un nombre suffisant de partisans, il jeta le gant et, découragé, se dirigea vers la Norvège. Mais ses soutiens envoyèrent à sa poursuite deux excellents skieurs qui, après 90 km, le rattrapèrent, le retournèrent. Et ce fut le début d'une guerre qui permit à Gustave Vasa d'accéder au trône de la Suède devenue indépendante. Et la Vasaloppette fut créée 4 siècles plus tard, en 1922. Si vous voulez attirer aujourd'hui vers le ski de fond, insistons aussi sur ses fonctions service ou découverte. Alors, je peux vous raconter les exploits des facteurs. L'un d'eux, citoyen américain, né évidemment en Norvège, s'appelait Thompson Soulier à Neige. Eh ben, il allait du versant occidental de la Sierra Nevada jusqu'aux villes du Nevada lui-même, 150 km une fois par semaine, 50 kilos sur le dos. Il connaissait pas le phare, il n'y avait évidemment pas de piste damée. Malheureusement, il n'avait pas de contrat. Et quand il poussa jusqu'au Congrès à Washington pour demander un dédommagement, il obtint une lettre de remerciement. Question, quelles étaient les meilleures techniques pour glisser vite sur ces planches? Le meilleur moyen, c'était encore de mettre tout le monde sur une même ligne de départ et de voir qui l'emporterait à l'arrivée. Ben, on peut déceler des traces de course dès les années 1840, mais celle qui a imprimé une légende a lieu en Norvège, Christiania. On y revient. 1866, devant un public local, un certain Elong Bacon réussit à faire le parcours semé de virages sans une seule chute. On le porta en triomphe et on décida de recommencer en 1867. Et cette fois, des skieurs de Telemark à 150 km ont fait le déplacement. Et ils ont tout remporté. Christiania, Telemark, c'est des noms qui sont restés fameux chez les amateurs de ski. Des Anglais étaient présents aussi qui, de retour chez eux, ont contribué à la gloire de la Norvège qui, à la fin du 19e siècle, apparaît vraiment comme la patrie du ski. Alors allons-y, encore un grand Norvégien, Nansen. Oui, alors il est issu lui aussi de Christiania. Il conçoit l'idée que la seule possibilité de traverser le Groenland, c'est de le faire à ski. Alors il fait fabriquer des planches spéciales par deux lapons et il part à la tête d'un tout petit groupe d'hommes et tous franchissent névé, crevasse sur 500 km chaussés de leur ski et traînant, poussant, tirant leur chariot. C'est un homme formidable, Nansen. C'est le héros le plus populaire de la Norvège, d'autant que, haut commissaire aux réfugiés de la Société des Nations, après la Première Guerre, il a inventé le passeport Nansen, qui a sauvé tant de Russes blancs et d'Arméniens qui, bien qu'apatrides, pouvaient, grâce à lui, franchir les frontières. Ben moi, je vous dis, un téléski, c'est un mot de 1935. C'est récent. C'est même plus d'actualité. Le mot après-ski, on n'y est pas encore arrivé. C'est très récent aussi, 1938. Faut revenir à ski de fond, 1908. Et puis même, plutôt que de ski futile, il faut commencer à parler ski utile. Merci Jean Lebrun, le vif de l'histoire. À demain.